Madame voyage, je vous trouve très jolie, alors je vous prends par la main si je peux me permettre. Les poches trouées pour les filles, c'est pas joli, croyez-moi, ça a toujours été dur à admettre. Madame voyage, est-ce que je peux vous tutoyer? Merci. Ton invitation, je l'embrasse avec un très grand oui. J'embrase comme le roi de la galoche, avec mes potes les poches. Gavroche était toujours réjoui. Madame voyage, qu'est-ce tu me proposes? J'aime pas la vie en rose, ma dose, je la pose en prose et sans névrose. Qu'est-ce qui me fait bander? Le visage de la liberté qui sourit, heurté d'être encore en bonne santé. Madame voyage, emmène-moi avec toi, sur le toit de chez toi on festoiera, pendant qu'ils s'habituent sur leur sort, leur inconfort des grands transports qui les amènent à la mort, l'état-major à qui ils font leur rapport. Alors madame voyage, tu vois où je veux en venir, tu sais je suis pas très difficile, non, non. C'est certain, demain sera trop loin. Fais-moi ton grand copain, prends-moi par la main et partons dès ce matin. Madame voyage, merci. Ici c'est le paradis, j'oublie la mélancolie, c'est l'embellie. L'oiseau de mauvais augure n'a pas sa place, l'aventure perdure avec la pure et la verdure. Madame voyage, j'aime ton doux visage, partons à l'abordage, mais s'il te plaît sans bagage. Ma jolie bohème, je t'écris un poème sur des chrysanthèmes, je crois que je t'aime. Madame voyage, l'amour est-il un carrefour entre humour et glamour qui se termine par des amours? Et si c'est ça, je suis pas tenté, je connais le film, c'est un navet, toujours le même à l'arrivée. Madame voyage, avec toi l'incertitude se mêle à l'habitude, c'est la plénitude, c'est décidé, je veux rester à tes côtés toutes les matinées, te faire la cour et t'enlacer. Madame voyage, et pour tous à la rescousse de toutes les frimousses en secousse, madame voyage.